Exercice 2, page 47. A. C. Ce. B. D. D. C. Né. Né. D. Blé. Bleu. E. Clé. Clé. F. Veux. Veux. G. Fait. Feu. H. Peu. Peu.